السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فنواصل الكلام في دراسة كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude du livre Les annulatifs de l'islam du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lors du dernier cours, nous avions vu le premier annulatif de l'islam, qui est le polythéisme, qui est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, son adoration ou dans ses noms et attributs. Nous avions également vu parmi les formes de polythéisme dans l'adoration le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, et nous avons détaillé les différentes catégories de sacrifices. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: deuxième annulatif, quiconque met des intermédiaires entre lui et Allah, les invoque, leur demande l'intercession, place sa confiance en eux, a mécru selon l'unanimité des savants. Le deuxième annulatif que le Cheikh rahimahullah ta'ala a cité est le fait que la personne mette des intermédiaires entre lui et Allah, comme invoquer des morts, des saints, des prophètes, des anges ou autres, afin que ces derniers fassent l'intermédiaire entre lui et Allah, en leur demandant l'intercession ou en leur demandant d'intercéder pour lui auprès d'Allah. Aussi, le fait de placer sa confiance en eux, en ayant aussi un désir envers eux. Ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dans le sens du verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit: informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Surat Yunus, verset 18. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, nous dit: les gens disent: nous n'avons pas fait d'eux des associés à Allah, mais nous avons fait d'eux des intermédiaires qui nous rapprochent d'Allah. Et Allah a appelé cela dans le verset du polythéisme. Allah a appelé cela du polythéisme alors que eux ont appelé cela une intercession. Et la réalité est que beaucoup de personnes qui s'affilient à l'islam font ces actes. Ils les prennent et font d'eux des intermédiaires entre eux et Allah. Il dit également, la personne dit, ceci n'est pas du polythéisme, c'est juste mettre un intermédiaire ou un intercesseur qui me conduira à Allah. Cette personne est une personne pieuse qui a une place auprès d'Allah. Je me rapproche de cette personne afin qu'elle me rapproche d'Allah. Voilà sa preuve, et ceci est vraisemblablement la preuve des premiers polythéistes. Allah Azza wa Jal a dit à leur sujet, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dans le sens rapproché du verset, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand, mécréant. Surat Zumar, verset 3. Nous voyons dans ce verset qu'Allah a démenti leurs prétentions et a appelé leur acte de la mécréance, alors que eux l'appellent l'intercession ou intermédiaire. Ensuite, il faut savoir que at-tawassul, le fait de prendre des intermédiaires, est de plusieurs catégories. Il y a celle qui est interdite et celle qui est légiférée. At-tawassul al-mashrou' ou al-mamnou'. Celle qui est interdite est celle que nous venons de citer, comme le fait d'invoquer les morts, les saints, les prophètes, les anges, dans l'espoir que ces derniers intercèdent auprès d'Allah, ou qu'ils les rapprochent d'Allah, ou pour qu'ils font part de leurs différents besoins à Allah ou Azza wa Jal. Ceci est interdit et est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. La deuxième catégorie qui est également interdite, qui est de prendre pour intermédiaire, ou de mettre en intermédiaire entre lui et Allah, le rang d'une personne ou la notoriété en disant, ô Allah, je te demande par le rang et la place d'un tel auprès de toi. Ceci est une innovation et cette catégorie mène au polythéisme, comme a dit le cheikh, l'ancien mufti, Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. La troisième catégorie, c'est de mettre en intermédiaire ou de prendre pour intermédiaire entre lui et Allah Azza wa Jal ses propres bonnes actions. Et ceci est légiféré, car en réalité, toutes les adorations sont un moyen qui mène vers l'agrément d'Allah et son paradis. Elles sont également un moyen d'être sauvé du feu. Allah Azza wa Jal a dit, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le mieux de leur Seigneur. Comme a dit l'imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala dans ce verset, il a dit, ce sont ceux qui œuvrent ou ceux qui accomplissent ce qu'il leur est possible comme œuvre pieuse, des œuvres qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal et de sa miséricorde. Parmi les catégories qui sont permises, il y a également le fait de prendre en intermédiaire ou de mettre en intermédiaire entre la personne et Allah ce qui sera une cause de l'exaucement de ses invocations, comme invoquer Allah Azza wa Jal à travers ses noms et attributs, comme ceci est rapporté dans le hadith authentique de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Concernant la vocation de celui qui est anxieux et soucieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: As'alullah ou as'alukallahumma bi kulli ismin huwa lak. Ô Allah, je t'invoque par tous les noms qui t'appartiennent. Ou en disant par exemple: Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya. En disant: ô Allah, je te demande par tes plus beaux noms et tes attributs élevés. Également, parmi les catégories qui sont autorisées ou permises ou légiférées, il y a le fait d'invoquer Allah à travers des œuvres pieuses que l'on a accomplies, comme l'exemple des trois personnes qui sont restées bloquées dans la grotte par un rocher. Après que ces trois personnes aient cité leurs bonnes actions, chacun d'eux s'est adressé à Allah en disant: « Ô Allah, si j'ai fait cet acte ou cette action sincèrement pour toi et pour la recherche de ton visage, alors sauve-nous ou délivre-nous de ce dans quoi nous sommes comme épreuve. Allah les délivra alors de cette épreuve. » Voici en résumé les catégories de al-tawassul al-mashrou' ou al-tawassul al-mamnou', fait de prendre des intermédiaires, ce qui est permis et ce qui est interdit. Dans la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, il leur demande l'intercession. L'intercession, c'est de faire l'intermédiaire pour autrui, dans le but d'un quelconque profit ou pour repousser un mal. L'intercession revient de droit à Allah et est la possession d'Allah Azza wa Jal seul. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, dit: l'intercession toute entière appartient à Allah. Surat Zumar, verset 44. L'intercession se divise en deux catégories. Il y a l'intercession qui est affirmée et l'intercession qui est rejetée. Quant à l'intercession qui est affirmée et authentique, c'est celle qui est affirmée par Allah dans le Coran et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. C'est celle qui est demandée à Allah exclusivement et elle est réservée ou donnée qu'aux gens du Tawhid, c'est-à-dire le Muwahhid. Elle a également des conditions pour qu'elle soit effective. Premièrement, il faut l'agrément d'Allah Azza wa Jal pour celui qui intercède et pour celui qui bénéficie de l'intercession. Deuxièmement, la permission d'Allah pour celui qui intercède afin qu'il intercède auprès de lui. Et ces conditions sont réunies dans le verset 26 de Surat An-Najm. Allah Azza wa Jal a dit: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Quant à l'intercession rejetée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce qui revient de droit à Allah. Et ceci est du polythéisme. Et certes, Allah n'agrée pas le polythéisme, et celui qui le pratique, sa demande d'intercession à autre qu'Allah ne lui sera d'aucune utilité. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Surat Al-Muddathir, verset 48. Le grand savant Abu al-Abbas, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit concernant l'intercession: Allah a nié tout ce à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui. Il a nié le fait que ceux-là ont une quelconque possession ou une quelconque part du royaume d'Allah, ou qu'ils sont des assistants d'Allah. Il ne reste donc plus que l'intercession. Allah a donc clarifié que l'intercession n'est bénéfique que pour ceux à qui Allah a accordé la permission. Comme il a dit dans le sens du verset: « Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. » Sourate Al-Anbiya, verset 28. Dès lors, cette intercession que les polythéistes prétendent sera rejetée et inexistante le jour dernier, comme le Coran l'a rejetée. En outre, le prophète nous a informé que le jour de la résurrection, il viendra se prosterner devant son Seigneur et le louera. Il ne commencera donc pas par l'intercession. Il lui sera dit alors, « Irfa ra'sak wa kul tusma wa sal tu'ta wa shfa tushaffa. » Relève la tête, ô Muhammad, parle, tu seras écouté, demande et ta requête sera satisfaite, et intercède et ton intercession sera acceptée. Il dit également de même, Abu Huraira a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parmi les gens sera le plus à même de profiter de ton intercession. Il répondit, toute personne qui dit il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, sincèrement et du plus profond de son cœur, c'est-à-dire qui œuvre en fonction de cette parole. Il dit, cette intercession sera réservée aux gens sincères par la permission d'Allah et ne concernera pas les polythéistes. Et le but et la réalité de l'intercession est qu'Allah fait grâce aux gens du Tawhid en leur pardonnant à travers l'invocation de celui à qui l'intercession a été autorisée, afin qu'Allah honore celui qui intercède et lui permette d'atteindre le statut élogieux. Par conséquent, l'intercession niée et rejetée par le Coran est celle comportant du polythéisme. C'est pourquoi Allah a affirmé l'intercession avec sa permission dans différents endroits. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'elle sera exclusivement réservée aux gens du tawhid et de la sincérité. Fin de citation. Et pour finir, nous allons citer la parole du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Il a dit concernant l'intercession dans son explication de Kitab al-Tawhid, al-Qawl al-Sadid, les polythéistes justifient leur shirk et leur invocation envers les anges, prophètes et les gens pieux en disant « Nous les invoquons tout en sachant qu'ils sont des créatures qui appartiennent à Allah ». Mais du fait qu'ils ont une place et un rang élevé auprès d'Allah, nous les invoquons afin qu'ils nous rapprochent d'Allah et afin qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah. Il dit, comme on se rapproche des notables qui sont proches des rois dans ce bas monde, ceci afin de faire de ces notables des intermédiaires pour l'accomplissement de leurs différents besoins, et pour atteindre leur but. Et ceci est la chose la plus fausse, car ceci revient à faire ressembler Allah Azza wa Jal, l'immense, le roi des rois, celui dont tout le monde craint, celui dont tout le monde s'humilie devant sa grandeur. Ceci revient à faire ressembler Allah avec les rois besogneux de ce bas monde, qui ont besoin de leurs notables, leurs ministres, pour que leur royauté soit effective. Et certes, Allah a annulé et infirmé cette prétention et a révélé que l'intercession entière lui appartient au même titre que la royauté entière lui appartient et que nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission et il ne donne sa permission qu'à celui dont il agrée sa parole et ses actes. Allah n'agrée que l'unicité et les actes accomplis sincèrement pour lui. Il a également révélé que les polythéistes ou le polythéiste n'a aucune part dans l'intercession. Il a également informé que l'intercession affirmée, celle qui est affirmée avec sa permission, est réservée pour les gens du Tawhid. Elle provient d'Allah, cette intercession provient d'Allah Azza wa Jal, elle est une miséricorde de sa part et un honneur pour celui qui intercède, et est dans le même temps une miséricorde de sa part et un pardon pour celui qui bénéficie de l'intercession. Et en réalité, le mérite revient à Allah Azza wa Jal seul. Il est celui qui a permis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder et lui a fait atteindre le statut élogieux le jour dernier. Voilà ce qui est corroboré et affirmé par le Coran et la Sunna en ce qui concerne ou dans ce qui concerne les détails sur l'intercession. Fin de citation. Voici le deuxième annulatif de l'islam, qui est le fait de mettre des intermédiaires entre lui et Allah, en les invoquant, en leur demandant l'intercession. Et cet annulatif revient en réalité au premier annulatif, le shirk. Le shaykh, rahimahullahu ta'ala, l'a mentionné séparément, car c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens tombent, alors qu'à travers cela, la personne sort de l'islam, qu'Allah nous en préserve. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, بإذن الله تعالى. On demande à Allah عز وجل de nous rendre profitable ce qui a été dit et de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.